Mortel 06 The Album. Bagriff Balobi Bobané la boule. Enas Jizo Buluka Kamakambo Loko le Gomelio Supporté Ozoua qui m'engagement Loko le Gomelio Assumé Molambi à Poufou Atala Kamaina Poufou Ya poussière Ole Kizi Poufou Sali Kwango Le Kizi Maïo Sali Nteba. Bongo la motema zamba pambolo, fika kolula batuna barezo.